Dorothée ou la cruche miraculeuse, par Léo Lespès. Aimez-vous comme moi l'Allemagne avec ses mœurs primitives, ses écoliers blonds et ses filles brunes, soit qu'on les visite en touriste, le bâton de voyage à la main, soit qu'on s'y rende en fashionable par train spécial, pour y prendre les eaux médicinales? L'Allemagne, voyez-vous, est le pays des balades et des champs pittoresques. Le conteur lui doit ses plus riches canevas, ses plus émouvantes péripéties. En effet, on dirait que le Rhin, ce fleuve géant qui croît à l'abri des vignes, jette avec ses ondes fertilisantes des flots de poésie sur ses rives aimées de Dieu. Quelles lignes coquettes de villes mignonnes se pressent sur ses bords, curieuses de le voir et de l'admirer. Depuis Liège jusqu'à Mayence, c'est toute une confédération de cités blanches et vertes qui se mirent orgueilleusement dans ses eaux. Dorothée était née près de Cologne. Dorothée était la plus belle fille de la contrée, bien qu'elle fût simple comme une fleur des champs. C'était une nature droite, honnête, innocente, qui ne soupçonnait pas le mal n'ayant jamais eu la pensée de le commettre. Sous son casaquin lacé par devant à la manière allemande, sous son bonnet sans garniture, elle paraissait ingénue comme une enfant, grave comme une mère de famille. Sa mère dormait depuis bien des années sous un chèvrefeuille du cimetière. Elle était morte en laissant sa fille à l'âge de 10 ans, n'ayant d'autre soutien que Maître Mayer, son père, charpentier fort habile, mais qui avait le malheur de se griser plusieurs fois dans la semaine. Dans le temps où commence notre récit, Mayer avait, à force d'inconduite, perdu tout son ouvrage. La confiance des entrepreneurs lui avait été retirée. Il ne lui était plus possible de trouver, malgré sa capacité, un pouce de sapin ou de frêne à raboter dans toute la ville de Cologne. Devant ce désastre, Mayer devint furieux. Il se confondit en blasphème, accusa la Providence d'un abandon dont son incurie était la cause unique, et s'emporta jusqu'à menacer la pauvre fille, qui était pourtant très innocente de tous ses malheurs. Une nuit, après avoir brisé de fureur la plupart des meubles de son intérieur, il s'était jeté de désespoir sur sa couche, épuisé et haletant. « Au moins, s'écria-t-il, si j'avais à boire, boire, c'est oublié. » Il y avait dans les environs une citerne renommée à 10 lieues à la ronde, car son eau était limpide et elle avait un goût de noisette admirable. Les femmes prétendaient même qu'elle donnait la santé et la fraîcheur aux plus souffrants et qu'elle allongeait le terme ordinaire de la vie. Dorothée, voyant que son père avait une soif fiévreuse, résultat de ses accès de fureur, alla sans rien dire remplir sa cruche à la citerne renommée, puis elle en approcha les bords des lèvres du frénétique. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria-t-il après en avoir goûté. « Mon père, c'est pour boire. Quel est ce poison ? C'est de l'eau. De l'eau ? De l'eau ? Ce que boivent les chevaux et les canards, le rebut de la nature, le résidu du ciel orageux. Oh, maudit soit le sort qui me force à avaler ce breuvage nauséabond. « Mais, dit Dorothée, cette eau est la meilleure qui soit au monde. Retire-la, misérable ! » s'écria son père en démence. « Elle guérit toutes les maladies. Tu persistes ! » continua le forcené. « Tu veux m'astreindre à goûter cette horrible matière ? Eh bien, tiens, voilà le cas que j'en fais. » Et saisissant sa pauvre fille, il la renversa à terre d'un vigoureux revers de bras. Dorothée chancela, et la cruche, cause de tout ce différend, alla se briser contre le mur. Ce spectacle irrita davantage encore Mayer. Il prit un bâton et allait le casser sur le dos de celle qui pleurait, toute meurtrie par sa chute, quand on frappa à la porte. La nuit était venue, sombre, menaçante, nuit d'été toute sillonnée de blancs éclairs traversant ses ténèbres. « Qui va là ? » dit Mayer. « Que vous importe ? » répondit une voix stridente. « Vous n'avez rien à voler. »« Que voulez-vous ? Un couvert pendant la pluie. »« Allez au diable ! » s'écria Mayer. « C'est tout fait, » répondit la voix. « Je n'ouvre pas. C'est dommage. J'ai un fardeau qui me pèse et dont vous pourriez avantageusement me débarrasser. J'ai une outre gigantesque pleine de vieux vin de Johannesburg qui ferait trinquer un mort avec son fossoyeur. » Mayer, à ces mots, leva l'oreille. « Tu as du vin ? » dit-il. « Un hectare, digne de figurer à la table de l'empereur. » « Eh bien, Dorothée, fainéante, pleurnicheuse, ouvre à ce nectar la porte à deux battants. Il ne faut pas le laisser à la pluie. Je n'aime pas le vin coupé. » La jeune fille, avant d'obéir, leva un regard timide sur son père. « Il est bien tard pour ouvrir, et surtout un inconnu. Radoteuse, que dis-tu ? Rien, mon père. murmura l'enfant qui grelottait de peur. « Ouvre donc, malheureuse, et ne raisonne pas !» Dorothée, en pleurant, tira le loquet, et l'inconnu entra. C'était un bizarre cavalier que le rôdeur de nuit. Il était roux, de grande taille, au point d'être obligé de se courber pour franchir la porte, et son regard était si perçant qu'il semblait regarder de deux côtés à la fois. Son corps était emprisonné dans un étroit pourpoint de drap noir, ses pieds étaient chaussés de souliers démesurément pointus, et sur sa tête, il avait une toque surmontée d'une plume de hibou. Il traînait après lui, comme il l'avait annoncé, une outre large et toute humide à l'extérieur. « Tu as dit vrai !» s'écria avec joie Mayer, en apercevant la charge bachique. « Je ne mens jamais !» répliqua le voyageur. « Le mensonge n'est pas le péché des orgueilleux. Ah ça, bonhomme, puisque tu veux bien m'abriter dans ta bicoque, dis-moi si tu as des vers. »« Plus de vers que d'écus !» répondit l'Allemand. « Eh, Dorothée, marmotte, drôlesse, serre de tasse devant sa seigneurie !» La jeune fille tira du dressoir deux vases et les plaça devant les convives. « Buvons !» dit l'étranger. « Buvons !» reprit Mayer. L'outre fut débouchée et laissa s'échapper un vin d'une couleur admirable vert et or et d'un bouquet ravissant, sentant les fleurs les plus ambrées, ayant ce goût de pyraphusie que l'on recherche tant dans les vignobles du Rhin. Mayer but à longs traits la liqueur enchanteresse. « Par mon salut, dit-il, voilà qui est fameux. « Il est bon ? » demanda l'étranger. « Excellent. Buvons encore, puisqu'il vous plaît. » Et ils doublèrent la rasade. « Ah ça, mon hôte !» s'écria Mayer, qui devenait pourpre. « Qui êtes-vous donc ?»« Tiens, » reprit le voyageur, « il faut avoir un passeport, à ce qu'il paraît, pour trinquer avec vous. Mais vous êtes donc le bourgmestre ?» Mayer rit aux éclats. « Moi, bourgmestre, je suis charpentier. »« Mauvais métier !» s'écria l'inconnu. Et il versa de nouveau à boire. « En avez-vous un meilleur ?» dit Mayer. « Oui. Et lequel ?»« Je suis marchand d'âme. »« Ah, bon. Oui, je fais ce commerce depuis longtemps et je m'en trouve bien. »« Ah, vous achetez des âmes ?»« Au meilleur prix possible. »« Et combien payez-vous une âme ?»« Cela dépend. »« Une âme d'homme fait, de vieillard, de comédien, de danseur, de philosophe, cela n'est pas très cher. »« Et mon âme à moi ?»« Une âme d'ivrogne. » fit l'inconnu avec dédain. « Eh, dis donc, l'homme aux cheveux rouges, j'aime le vin, mais je ne souffre pas qu'on m'insulte. »« Bon, nous voilà comme tous les mortels, vétilleux sur les mots, cynique sur les choses, buvez, cela vous rendra la logique plus claire. »« C'est cela, » reprit Mayer en se radoucissant. « Buvons. Eh bien, moi qui n'ai rien, si je voulais vendre mon âme. »« Vous voudriez savoir ce qu'on vous en offrirait ? C'est cela. »« Dame, je vais vous dire... » C'est Lucifer qui, dans mon commerce, est bailleur de fonds, et il n'entend pas qu'on place mal ses capitaux. Qu'entendez-vous par là ? Demanda Mayer en inclinant l'outre à laquelle il avait déjà fait une copieuse saignée. J'entends que, comme il y a grande chance que tôt ou tard votre âme lui reviendra, il serait bien bon d'acheter cher ce qu'il espère gratis. Ah bon, bon, dit l'ivrogne. Monseigneur Lucifer compte m'avoir sans bourse déliée. Parbleu, n'aimez-vous pas le vin ? « Démesurément. Eh bien, le vin qui ôte la raison, qui éteint l'intelligence, qui alourdit l'esprit et paralyse le corps, quand il est pris en trop grande quantité, le vin, dis-je, vous livrera à mon maître malgré vous. »« Et si je m'en corrigeais ?»« Bon. Si je ne buvais que de l'eau, je vous en défie. »« Et vous avez raison. Comme cela, il n'y a pas moyen de faire affaire. »« C'est difficile. » dit le grand homme roux. « Mais à propos, comment se fait-il que cette belle enfant ne trinque pas avec nous ?» Dorothée, qui ramassait les morceaux de sa cruche brisée, répondit sans cesser son travail de recherche. « Merci, je n'ai pas soif. » En ce moment, un coup de tonnerre déchira la nue. « Diable !» fit Mayer, aviné. « Vous m'avez appelé ?» dit l'inconnu. « Moi, non, je dis diable. C'est bien pour cela que vous venez de prononcer mon titre. » « Ah !» reprit Mayer. « Vous êtes un diable inférieur. J'ai le diable chez moi comme je l'avais déjà dans ma bourse. Eh bien, ma foi, tant mieux. D'autant plus qu'il est bon vivant. Bonne venue à l'ambassadeur du noir séjour et qu'il se mette à l'aise dans mon logis. » Et s'étourdissant de plus en plus, Mayer chanta ce refrain si connu chez les Allemands. « Le diable est vraiment un bon sire. Sur ma foi, il a plus de force et d'empire que le roi. puisqu'il sait chanter, rire et boire, ce luron que chacun nous ose boire au démon. Ma foi, mon hôte, dit le sombre voyageur, vous êtes gai convive, et je veux faire quelque chose pour vous. Vous voulez m'acheter quelque chose? Oui. Mon âme? Non. Quoi donc? Celle de cette jeune fille. Dorothée tressaillit et chercha instinctivement son rosaire à ses côtés. Oh, la bonne idée! Fit l'ivrogne. Mon père! S'écria l'enfant suppliante. Y consentiriez-vous? Tais-toi! Dit Mayer. Ai-je le droit de disposer de ton âme? N'êtes-vous pas son père? Répondit l'homme roux. Assurément. En ce cas, comme vous en répondez devant Dieu, vous pouvez en faire ce qu'il vous plaira sous votre responsabilité particulière. Eh bien, qu'en offrez-vous? Ce n'est pas à celui qui achète à faire son prix, mais à celui qui vend. Dame, c'est que je ne connais pas le cours. Si c'était du hêtre ou du noyer, je ne dis pas. Mais des âmes, je n'en ai jamais vendu. Il y a des prix établis. 5000 écus d'or pour une jeune fille. Très bien, dit Mayer. Mais mon père, soupira Dorothée, j'ai à peine 18 ans. Mineur, s'écria le démon, mineur, c'est 1000 pièces d'or de plus. Mais mon père, je suis de la congrégation de la Vierge. De la congrégation, continua le noir messager, c'est alors 10 000 écus en tout. 10 000 écus, hurla Mayer. 10 000 écus, répéta le commis voyageur du Tartare. Top là, c'est chose faite. L'âme est à vous. Un instant, fit l'acheteur, en tirant un parchemin tout zébré de caractères rouges. Signez ceci. Qu'est-ce que cela? C'est l'acte de vente de l'âme de votre fille. Je vais vous en donner lecture. Et de sa voix stridente, il lut ce qui suit. Je, sous-signé Nicolas Mayer, saint de corps et d'esprit, cède au démon qu'il accepte et en donne quittance l'âme de demoiselle Dorothée, ma fille, dont je suis le père et tuteur, pour lui en faire l'usage qui lui plaira, et ce à ses risques et périls. Le tout moyennant 10 000 écus d'or que j'ai reçus comptant. Quand il eut achevé sa lecture, l'homme aux cheveux roux tendit la plume à Mayer, qui dormait debout, chancelant dans son ivresse croissante. « Signez, » dit-il. « Un instant, » balbutia l'ivrogne. « Et mes 10 000 écus ?»« On ne voyage pas par une nuit d'orage avec une pareille somme, je vous les enverrai. » Nenni, mon convive, pas d'argent, pas d'âme, donnant, donnant. Qu'à cela ne tienne, vendeur défiant, vous allez être satisfait. Et tirant alors de sa ceinture un corps de fer, il sonna une fanfare retentissante. Un son analogue répondit dans l'immensité du bois, puis on entendit des pas de chevaux pressés par l'étrier, puis des voix confuses, puis un peloton de cavaliers fit halte devant la maison. Belle demoiselle, dit le diable, voici mon escorte, ouvrez. Dorothée ne répondit pas, transi qu'elle était de frayeur. « Ouvre donc, » dit son père, « de ce que tu n'as plus d'âme, n'as-tu plus de jambes ?»« D'autant plus, » dit le démon, « que mes camarades n'ont pas, quand ils sont en ville, leur costume infernal. » Dorothée leva le loquet pour la seconde fois à l'un des cavaliers. « Ma bourse, » demanda le voyageur. On lui tendit un grand sac qui contenait 10 000 écus d'or et qu'il posa devant Mayer abruti. Soit que la vue de ce trésor eût augmenté encore la fatigue de sa tête brisée, soit que le sommeil que cause l'apoplexie vineuse fût arrivé à son comble, Mayer n'eut que la force de s'emparer du sac, de la serrer sur sa poitrine, puis il retomba profondément endormi. Dorothée, pendant ce temps, regardait en sanglotant les cavaliers qui l'entouraient la porte. Ils étaient neufs, des sabres étincelaient sous leurs manteaux, des casques luisaient sur leurs têtes, d'épaisses moustaches couvraient leurs lèvres. Quand elle fut revenue de la surprise que lui causait cette vue, elle vit le démon près d'elle. Il avait jeté sa perruque rousse, et revêtu d'un habit de velours noir orné de perles de jais, il semblait avoir 30 ans à peine. « Dorothée, lui dit-il, votre âme est à moi. Rendez-la-moi, monsieur le démon. Je l'avais promise à Dieu tout entière, à la Vierge, mère des 7 douleurs. Rendez-la-moi, et je travaillerai jour et nuit pour vous en payer la rançon. » « Non, » fit le démon. « D'ailleurs, que craignez-vous de moi? Suis-je encore aussi laid ?»« Non, sans doute. »« Eh bien, pourquoi pleurez-vous cette âme qui passe à l'ennemi, sans avoir eu la peine de combattre et qui n'a même pas la responsabilité de sa désertion ?»« Mais mon père sera damné. Qu'importe, il l'eût été sans cela. »« Maudit vin, dit Dorothée, liqueur traîtresse, c'est toi qui es la cause de toutes nos douleurs. » L'ambassadeur de Satan regarda la jeune fille avec attention en entendant les paroles qu'elle venait de proférer. il semblait se complaire dans l'examen de ses grâces naïves. « Vous tenez donc bien votre âme, dit-il, plus qu'à ma vie. Et vous détestez donc bien le vin, puisqu'il plonge ceux qui se confient à lui dans un semblable état. Mon aversion est légitime. » Et il montrait Mayer qui dormait d'un sommeil convulsif. « J'ai pourtant bien soif, dit le démon, et l'eau très vide. Je donnerais bien quelque chose pour boire un coup à mon tour. Vous le voyez, le vin est dangereux, il altère. Oh, nous autres démons, nous buvons beaucoup. Voyez-vous, nous vivons dans les pays chauds. Cela sèche la langue, et quand nous adoptons la forme humaine, nous sommes exposés à ces infirmités. » Dorothée regarda l'étranger d'un air suppliant, cherchant à découvrir en lui quelque sentiment de bonté. « Si vous voulez me céder mon âme, dit-elle, je vous désaltérerai. »« Vraiment ?»« Avec l'eau la plus pure qui soit au monde. »« Mais un verre d'eau ne vaut pas les 10 000 écus d'or sur lesquels Maître Mayer ronfle en ce moment. »« Aussi ne veux-je qu'une partie de mon âme à la fois. »« Cependant, il faut être logique. »« Une âme ne se divise pas comme une pomme d'api. »« Vous ne pouvez pas, comme Proserpine, passer votre vie moitié au ciel, moitié en enfer. » « Il n'y a donc aucune combinaison possible, dit Dorothée. Il en existe une unique. Pour regagner mon âme ? Oui, pour annuler le marché. Dites-la-moi, monsieur le démon. Oui, pour une cruche d'eau. C'est conclu. Mais hélas, j'y pense, je n'ai plus de cruche. Mon père me l'a brisée. Ah, c'est qu'il n'aime pas l'eau, lui. Il est un amoureux de la vigne, celui-là. Il préfère son torse vert, ses grands bras noueux, ses grains bleuâtres et musqués aux sources les plus pures. Alors, comment faire? J'ai une soif d'enfer. Je vais aller à la citerne avec une tasse, et si cela ne suffit pas, j'y retournerai plusieurs fois. Après avoir pris cette résolution philanthropique, Dorothée se mit en route, et par 3 fois, elle passa devant les sombres cavaliers pour porter aux lèvres du démon le liquide rafraîchissant. Pendant ce temps, Mayer dormait toujours. « Eh bien, dit la jeune fille, après que le noir esprit se fut désaltéré. « Votre promesse ?»« Tu veux savoir ce qu'il faut faire pour revendiquer ton âme ? Je vous serai bien obligé. »« Marie-toi. »« Me marier ?»« Oui. »« Tu tomberas en puissance d'époux, et s'il est bon chrétien, il se battra contre nous pour ton salut. »« Me marier ? » répéta la jeune fille. « Je le voudrais bien. »« De plus, je suis bon diable et je veux te faire un cadeau. »« Un cadeau du démon ?» s'écria Dorothée, je n'accepte pas. Tu le feras bénir par le curé, cela lui fera de l'ouvrage. Il ne demandera certainement pas mieux. Adieu, jeune fille. Demain, tu recevras mon présent. Mais marie-toi vite, si tu veux échapper à notre pouvoir. En achevant ces dernières paroles, le noir esprit s'élança lestement sur un cheval que les cavaliers tenaient en laisse et disparut avec eux dans les bois. Me marier, soupira Dorothée, demeurée seule. J'y songe depuis bien longtemps. En ce moment, une voix fraîche et vibrante se fit entendre. Elle chantait la chanson de l'eau, ce refrain des bateliers du Rhin. Et la voix disait « Vive l'eau, ce cristal limpide, diamant aux 1000 couleurs. Vive l'eau, ce brillant liquide que le ciel grossit de ses pleurs. Vive l'eau qui donne à nos voiles la blancheur du lin le plus pur. Vive l'eau, miroir des étoiles, qui reflète le ciel d'azur. Franz, exclama Dorothée, c'est mon cousin Franz, le batelier, quelle providence, lui qui veut m'épouser malgré mon père. La voix continua. Vive l'eau, murmure la plaine, béante sous ses verts gazons, elle vient tiédir la laine des vents d'été dans mes sillons. Vive l'eau, répond la colline, quand elle coule sur mes flancs, il sort de sa liqueur divine les plus noueux arbres géants. Il s'approche, continua la jeune fille de la citerne. Mon Dieu! Pourvu que mon père ne s'éveille pas. Et la voix chantait encore. Vive l'eau, dit la jeune fille, l'eau qui tombe du paradis. Vive l'eau qui me rend gentil. Je m'y vois et m'y rafraîchis. Vive l'eau, l'élément suprême, flot d'argent tombant de l'autel, qui m'ôta lors de mon baptême le vieux stigmate originel. Il se dirige vers ces lieux, dit encore Dorothée. C'est le ciel qui l'envoie. Écoutons, il se rapproche. Et la voix disait plus distinctement. Foin du vin, breuvage perfide, dans lequel périt la raison, raisin meurtri, traître liquide, pour l'homme, tu n'es qu'un poison, Ô divine, où rit la lumière, mer des perles, du corail, ô, viens refléter dans mon verre tes mondes d'azur et d'émail. Entrez, maître Franz, murmura-t-elle en levant le loquet pour la troisième fois. Vous, à Cologne, vous avez donc quitté votre barque? J'ai 8 jours de congé, dit Franz, en ôtant la toque qui couvrait ses cheveux blancs. Eh bien, répondez-moi avant de vous asseoir, avant que mon père ne s'éveille. M'aimez-vous toujours, plus que jamais, dit le jeune homme. Et si je n'avais plus d'âme? Quelle folie, vous, le modèle des vertus et des grâces. Silence, reprit Dorothée. Et tout bas, elle racontait au marin ce qui venait de lui arriver. Franz n'eut pas un moment d'hésitation. Je t'épouse. Maintenant que tu appartiens aux sombres esprits, nous n'avons plus besoin de la permission de ton père. Vous m'épousez sans âme? Je me la ferai rendre. En êtes-vous sûr? On n'est pas marin pour rien. Demain, le curé nous unira. Il paraîtrait que le vin de Johannisberg était bon, car maître Mayer dormit 12 heures sans s'éveiller. Quand il sortit de son long et bachique assoupissement, le jour était radieux et il aperçut par la fenêtre une noce joyeuse. « Qu'est-ce que cela ?»« C'est votre fille Dorothée qui vient de se marier, » lui répondit-on, « sans mon aveu. »« Elle n'en a plus besoin, » a dit le curé, en donnant sa bénédiction aux époux, « car vous avez vendu vos droits. » Alors Mayer jeta les yeux sur le sac aux écus d'or, et le souvenir de la nuit précédente revint à son esprit. « Misérable que je suis, j'ai damné mon enfant !» Cependant, au moment où les époux sortaient du presbytère, le prêtre dit à la mariée « J'ai un cadeau à vous remettre de la part d'un inconnu. »« Ah, je sais, » dit-elle, « je ne dois pas le prendre. »« Acceptez, » reprit le digne prêtre, « je prends tout sur moi. »« En ce cas, je n'ai plus de scrupules. » Et elle tendit ses deux mains mignonnes. Le curé lui remit alors le présent annoncé. C'était une cruche. Rien qu'une poterie de grès allemand, blanche et à raies noires, avec une anse contournée. « Une simple cruche, » dit Dorothée. « Pour remplacer celle que l'on vous a cassée. Vous avez donné à boire à un voyageur altéré, et il vous l'offre en récompense de votre charité. »« Il n'est pas généreux, » dit l'époux. « Attendez, il vous donne en toute propriété la citerne où l'eau est épuisée par vous. Vous pourrez vous faire payer un droit si vous consentez à y laisser puiser les gens de la commune. » « Mais c'est impossible, » fit observer le marié, « la citerne appartient au seigneur. » L'inconnu a dressé le contrat en forme. Voici l'acte de cession signé, légalisé en votre nom. « Allons, » dit tout bas Dorothée en prenant la cruche. « Le diable fait bien les choses. C'est dommage qu'il soit si méchant. » Et pendant 2 jours, sur un ordre venu on ne savait d'où, la citerne fut interdite aux habitants du pays. Maître Mayer, demeuré seul, sentit avec la solitude le remords entrer dans son âme. Tout le village fuyait son approche. Il avait beau vouloir se servir de son or, chacun refusait les pièces brillantes, craignant de se brûler les ongles. On le montrait au doigt, on le maudissait, on le conspuait. « Voilà, disait-on, le mécréant qui a vendu l'âme de son enfant pour boire. » Il vécut ainsi pendant 2 jours, avec les provisions qui lui restaient. Mais bientôt la famine se fit sentir, et personne ne voulait rien lui vendre. Ses pièces étaient regardées comme susceptibles de porter malheur, ou tout au moins de se changer en feuilles de chêne dans les mains du vendeur. Non seulement il ne put boire ce vin dont il était si gourmand, mais encore le pain, le lait, la lumière lui manquèrent tout à coup, et le propriétaire de sa maison refusa de toucher le prix des loyers arriérés et vint lui signifier son congé. « Pitié, » disait le malheureux. « Pas de pitié, » répondait-on, « pour le méchant qui a vendu l'âme de sa fille. » « Prenez mon trésor, mes 10 000 écus, mais rendez-moi le moyen de vivre. »« Votre trésor est mal acquis et frappé au coin de Lucifer, » répondit-on. « Personne n'en acceptera même une parcelle. » Affamé, abattu, désespéré, Mayer appela à grand prix dans la forêt l'inconnu à la générosité duquel il devait attribuer ses douleurs. Il le chercha dans tous les ravins, il interrogea tous les bûcherons, demandant si on n'avait pas vu passer un homme noir suivi de 9 cavaliers. Chacun demeura muet sur son passage, et l'écho plaintif répondit seul à ses lamentations. Dans cette situation désolante, il eut un retour sur lui-même. Il se rappela que parmi toutes ces maisons hermétiquement fermées à sa prière, il en était une qui jamais ne refusait accès aux malheureux. Là, le mendiant tremblant, le pécheur repentant, le coupable pleurant sa faute, était accueilli avec bonté et renvoyé avec de douces consolations. C'était la maison du curé. « Monsieur le curé, » dit Mayer, en se jetant aux pieds du prêtre. « Je viens vous dire que si vous ne venez pas à mon aide, je me meurs. »« Mon fils, répondit l'abbé, vous avez mal agi. Vous avez vendu ce qui vous avait été confié comme un dépôt. Tout père de famille répond devant Dieu de l'âme de ses enfants. »« J'étais ivre, objecta Mayer. Vous aimez donc bien le vin ?»« Je ne l'aime plus. Rendez-moi le repos de la conscience et je n'en boirai plus de ma vie. » Le bon prêtre sourit. « Il ne faut pas médire des bienfaits de la création parce qu'on en a mésusé, dit-il. Le vin a, comme l'eau, sa valeur, c'est une force, mais dont il ne faut pas exagérer l'emploi. Monsieur le curé, ne puis-je pas rentrer en grâce, revenir à des sentiments meilleurs, retrouver l'amitié de mes voisins? Peut-être. Que dois-je faire? Parler, j'obéirai. Y a-t-il 8 jours que le marché est signé? Non. À votre place, je me dédierai. En quoi faisant? En jetant, dit le prêtre en riant, ce trésor à tous les diables. Il retournera à sa caisse primitive. Et où le jetterai-je? Où vous voudrez. Ce sacrifice, ce dédain pour le prix d'une mauvaise action, suffisent pour enlever l'odieux de votre action criminelle. Comme cela, ce sera une véritable expiation. Merci, monsieur le curé. Mais si je dis que j'ai fait cela, on ne me croira pas. Voulez-vous vous charger de ce soin? Volontiers. Tenez, voilà le sac de l'inconnu au complet. Les jaunets reluisent comme s'ils avaient été frappés d'hier. Ils ont une couleur fauve comme les cheveux de celui qui me les a comptés. Prenez bien garde de vous brûler les doigts. Je n'ai pas peur, dit le prêtre. Mes mains ont touché trop souvent l'eau bénite pour que les démons y puissent faire venir même une engelure. C'est entendu. Dans 1 heure, j'aurai jeté ce trésor comme un maléfice. Maître Mayer sortit soulagé d'un poids immense. Or, pendant ce temps, le ménage de Dorothée s'était installé dans une maisonnette près de la cure, et chaque matin, elle allait seule puiser l'eau limpide à la citerne avec la cruche de l'inconnu. Un jour, l'eau était tellement basse qu'il lui fallut quelques efforts pour remplir son vase. Elle se rendit chez elle, surprise que son poids fût plus lourd que d'ordinaire. « Berce, lui dit Franz en tendant son verre, j'ai soif, et l'eau est le nectar du pauvre et la providence du marin. Celle-ci surtout est si bonne. Il nous appartient exclusivement. » Dorothée versa, ô surprise, le verre rendit un son argentin et les Kreutzer d'or apparurent en foule. « Miracle ! » dit Dorothée. « La cruche est enchantée !» reprit son époux. « Il y a des pièces d'or en quantité !» fit la jeune mariée. « Et tout cela est à nous !»« Devons-nous nous en servir ?» objecta Franz avec réserve. « Mes enfants, dit le curé et leur voisin, qui fumait sa pipe à la porte du presbytère et qui suivait toute la scène, cet argent est bien à vous. Vous pouvez le dépenser sans crainte. Bénite est la cruche, bénis sont ses produits. » Le village entier sut bientôt que la citerne était pleine de pièces d'or et que l'eau en était enchantée. Ce fut une consternation dans toutes les familles. La raison en était simple. Il fallait faire 1 lieue pour trouver de l'eau à la source, et on pensait bien que Dorothée, maîtresse d'un semblable trésor, ne permettrait pas qu'on le partage avec elle. « Qu'avez-vous, mes amis ?» demanda Franz aux habitants réunis chez le bourgmestre. « Pourquoi êtes-vous si triste ? Nous n'avons plus d'eau. N'avez-vous pas la citerne ? Elle contient des pièces d'or. Eh bien, l'eau coule pour tout le monde. Me croyez-vous un avare ? Un malhonnête homme ? Un cœur dur ? Pensez-vous que par cupidité, je laisserai mourir de soif ou dépérir de fatigue les jolies filles de ce canton ? Mais il faudra payer une redevance énorme, répliquèrent les commentateurs de l'endroit. « Pas une obole. Tant mieux pour qui pêchera de l'or. Ce sera lui. J'en ai déjà moi-même de quoi vivre heureux toute ma vie. »« Bien, Franz. Bien, Dorothée !» exclama le curé. « Vous êtes de vrais chrétiens, des enfants aimés de Dieu. »« Ah, monsieur le curé, répondit Franz, vous croyez que je ne sais pas arracher une âme au démon? Moi, qui ai tué des requins et des baleines par la Sainte Barbe, vous verrez bien. » Or, de ce jour, la citerne fut un lieu de véritable pèlerinage, surtout quand ses eaux étaient basses. Chacun y trouvait quelques-unes de ces bienheureuses pièces d'or qu'allait répandre l'abondance au sein de la pauvreté, et en peu de temps, la commune ne posséda plus d'indigents. Mayer lui-même, l'ivrogne, converti à de meilleurs sentiments, et qui s'était mis avec bonheur au régime de l'eau, eut involontairement sa part de la citerne enchantée. Seulement, ce qui l'étonnait, c'est qu'il croyait avoir déjà eu ses monnaies en sa possession. Franz, avec les pièces miraculeuses sorties de l'eau pure de la citerne, s'affranchit des obligations qui le liaient à la navigation du Rhin pour le compte d'autrui. Il avait de quoi payer son indépendance, il l'acheta. Son beau-père, devenu sobre, recherchant le travail comme une consolation, lui construisit un bateau léger et élégant, dans lequel il descendait le fleuve avec la rapidité de la flèche. Pourtant sa femme était parfois sombre et rêveuse. « Qu'as-tu donc, Dorothée ? » disait le jeune batelier en l'entendant soupirer. « J'ai du chagrin. »« Qu'est-ce qui te manque ? N'as-tu pas la santé, l'estime publique, l'aisance qui rend la vie facile ? C'est vrai. De quoi donc te plains-tu ? » Alors Dorothée baissait tristement les yeux, jouait avec les grains de son rosaire et répondait « Il me manque mon âme. » « Que tu es folle !» répondait son mari. Le noir marchand, dans cette nuit d'orage où le marché s'est conclu, ne l'a-t-il pas dit que tu pouvais la ravoir si ton mari savait combattre le malin esprit ? Je ne dis pas non. De son côté, le curé n'a-t-il pas assuré à ton père qu'avec l'abandon de son prix, la vente était nulle ? Cela peut être, mais ce ne sont que des conjectures et non des réalités. Et c'est bien triste, va, Franz, mon ami, de ne pas savoir au juste si on a une âme ou si on n'en a pas. Eh bien, veux-tu que nous cherchions à nous renseigner ? De grand cœur. Comment verras-tu si j'ai une âme tout entière ? Il peut m'en manquer une partie. C'est ce que nous pouvons très bien savoir. Je n'ai pas navigué sur le Rhin avec les grands vicaires de la cathédrale de Cologne pendant 6 ans, sans avoir appris quelque chose du dogme. Connais-tu ce que c'est que les vertus théologales ? Non, dit Dorothée, je ne sais pas lire. Ma sœur m'a dit autrefois leur nom que j'ai oublié. Tu les possèdes sans les connaître. As-tu la foi ? Crois-tu ? Oh ! Dit Dorothée, à Dieu d'abord, à toi ensuite. As-tu l'espérance ? Pourquoi n'espérerais-je pas ? Le présent est heureux, j'ai confiance dans l'avenir. Faut-il te demander si tu as la charité ? Toi, si bonne pour le prochain, si indulgente pour ceux moins parfaits que toi. Je fais tout le bien que je peux. Eh bien, ton âme est au complet, tu crois ? Il n'y manque rien à cette gentille chaloupe qui vogue dans les eaux du salut, ni les mâts, ni les vergues, ni les voiles, et ton ange gardien est bon pilote. Sais-tu, répondit Dorothée, ce qui me fait douter de l'intégralité de mon âme ? Quoi donc ? Ne te sens-tu plus aussi pieuse ? Si, je vais à la messe et au salut avec le même plaisir que par le passé. Je ne devine pas. Je trouve, répondit tendrement Dorothée, en pensant à ton empressement à m'épouser quand j'étais pauvre, délaissée, maudite peut-être, que je ne t'aime pas assez. Franz, à ces mots, embrassa sa femme. « Dorothée, ton âme est bien tout entière, va, il n'en manque pas une parcelle, tu possèdes même l'humilité. » Le mystère de ce miracle devait un jour être éclairci. Quand arriva la kermesse ou fête de la patronne du hameau, que l'on célébrait chaque année au milieu des hurrahs et des refrains, par des jeux, des chants et des danses, on aperçut 10 cavaliers qui arrivèrent à toute bride. L'un d'eux était un grand et bel homme vêtu de somptueux habits, le seigneur de la contrée. C'était un véritable gentilhomme d'autrefois, fier avec les grands, familier avec les humbles. Il avait, depuis 10 ans, succédé au vieux baron allemand, son père, et était presque un étranger pour les habitants de la localité, car il avait passé une grande partie de ses jeunes années à parcourir toute la terre et à s'instruire en voyageant sur les hommes et les choses de son siècle. Les 9 cavaliers qui l'escortaient portait le costume d'honneur d'armes à ses couleurs. À la selle de son cheval pendait, à la grande stupéfaction des curieux, un objet inusité dans les coutumes et les habitudes équestres ou seigneuriales. C'était une outre vide. « Eh bien, charpentier, dit-il à Maillère confus, bandeur défiant, ne veux-tu plus trinquer avec moi et remplir mon outre à ton broc ? » Maillère ne répondit pas. « As-tu oublié notre entrevue pendant l'orage, avec le tonnerre et les éclairs pour accompagnement ? C'était beau, c'était gai. L'eau tombait par torrent au dehors, le vin tombait par flot au dedans. Chut ! Disait Maillère en tournant la tête. Ne me rappelez pas ce funeste souvenir que je voudrais à jamais effacer de ma mémoire. Comment, Maillère ? Tu renies ton ancienne pratique ? Tu méprises ton client qui t'a acheté ta marchandise et t'a payé comptant ? Grâce ! Répétait Maillère en se cachant dans la foule des villageois. Ce crime, je le déplore et j'ai cherché à le racheter. « Monsieur le curé, exorcisez ce démon, délivrez-moi de ces embûches. » Le seigneur se mit à rire de ce rire strident qu'il avait employé dans la nuit de son entrevue avec le charpentier, et tendant la main, il saisit Maillère confondu par le bras. « C'est mal, dit-il plaisamment, de renier sa pratique, surtout quand on sait comme toi les vieilles chansons à boire où le démon est célébré comme un vigneron heureux. Ne t'en souviens-tu plus de ce couplet que tu me disais entre 2 rasades ? » Et il se mit à chanter. Le diable est vraiment bon sire. Sur ma foi, il a plus de force et d'empire que le roi. Puisqu'il sait chanter, rire et boire, ce luron vive à jamais dans ma mémoire, le démon. Qu'on me présente, fit-il ensuite, Dorothée et son époux. Seigneur, exclama la jeune fille en le reconnaissant, c'est le diable qui avait acheté ma pauvre âme. Mon Dieu, murmurait Mayer, en laissant tomber le verre d'eau avec lequel il trinquait en choquant les brocs de vin de ses voisins. C'est mon acheteur de l'an dernier. Monsieur le curé, dit le seigneur en tendant la main au vénérable prêtre, assurez-vous donc, ces bonnes gens, que je ne suis pas un esprit infernal, mais leur ami à tous. Mayer, tu es un charpentier habile, plus qu'un ouvrier, un artiste. J'ai entendu l'an dernier tes fureurs, tes vœux d'ivrogne, j'ai voulu t'en corriger. C'est moi qui me suis muni d'une outre de Johannisberg pour te prouver jusqu'où peut aller l'ivresse. C'est moi qui t'ai payé le montant du marché fatal qui effraya tant cette méritoire enfant. Faire le diable n'est pas difficile. Avec une perruque rousse et des poulaines, on le reproduit assez convenablement par une nuit d'éclairs et de tonnerre, quand on est grand de taille et qu'on a 9 hommes d'armes couverts de noirs manteaux à sa suite. « Comment, seigneur ? » risqua Dorothée. « C'est vous que j'ai fait boire 3 fois et qui m'avez donné la cruche miraculeuse qui, la première, amena de l'or ? » « Moi-même. » « Mon cadeau ne vous a pas porté malheur, car la cruche était bénite. Le curé était dans ma confidence. » « Et cette citerne, demanda Franz, pourquoi recèle-t-elle de l'or ?»« Le repentir du coupable a servi les innocents, » répliqua le bon prêtre. « Mayer m'avait chargé d'anéantir le prix de sa trahison. Je l'ai jeté dans la citerne afin de satisfaire son généreux scrupule et d'éprouver vos cœurs. Vous vous êtes montrés tous deux de dignes chrétiens. Vous avez appelé vos amis à partager cette opulence qui vous arrivait sous l'enveloppe de l'eau. Le Seigneur vous aime et vous récompensera. Vous avez déjà l'estime de tous. » L'affection de chacun. Votre postérité sera bénie. Le seigneur voulut avoir Dorothée et Franz pour jardinier. Il les combla de faveurs. Mayer, devenu vieux, eut besoin de toutes les exhortations du curé pour se résoudre à boire de l'eau rougie, et grâce à sa tempérance, il vécut près d'un siècle. Aujourd'hui encore, bien que plus de 200 ans se soient écoulés depuis les événements que nous venons de raconter, la fontaine merveilleuse est l'objet d'un pèlerinage continuel. On prétend que ces eaux empruntent alors qu'elle a recelé une vertu hygiénique, et on chante encore au fait de la kermesse ce refrain de tempérance de maître Franz. « Foin du vin, breuvage perfide, dans lequel périt la raison. Raisin meurtri, traître liquide, pour l'homme tu n'es qu'un poison. Eau divine, où rit la lumière, mère des perles, du corail, oh, viens refléter dans mon verre tes mondes d'azur et d'émail. » Ainsi s'achève Dorothée ou la cruche miraculeuse par Léo l'Espèce.